Je voudrais savoir aussi combien de livres je peux emprunter. Vous avez droit à 5 livres, 5 BD, 5 revues. Tout ça? Ah ben, c'est formidable! Et c'est gratuit? Pour les ouvrages, c'est gratuit. Mais pour les CD et les DVD, là, vous devez payer 61 euros par an, plus une caution de 100 euros qui vous est restituée à la fin. Oh, ça fait cher, ça. Et les 100 euros, vous les encaissez? Non, madame. C'est une caution. Au cas où les films ou les disques seraient abîmés, ou non restitués. Tenez, prenez ce papier, tout est indiqué dessus.